Lyon, 418-525-5212. Devenez notre ami Facebook. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Ben oui, tout peut changer avec le grain de sable. Bienvenue, c'est Jean Cloutier avec Étienne Blondeau, notre chroniqueur, qui va nous parler d'Amérique latine. Bonjour Étienne. Bonjour, bon samedi à tous. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'était, je vais revenir très brièvement sur l'année 2015, parce que il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles en 2015, beaucoup d'événements tragiques. Mais il y en a certains qui sont passés, je dirais, inaperçus. Des nouvelles que moi, j'ai prises quasiment comme une claque à la figure, c'est la défaite de gouvernements de gauche en Amérique latine. Des gouvernements importants qui étaient des modèles, je dirais, enthousiasmants. Parce que moi, lorsqu'il y avait des militants ou des personnes de gauche qui étaient déçus que leurs idées n'avancent pas, j'avais tendance à répondre qu'il y a des exemples encourageants dans le monde. De tentatives de changer les choses et vraiment d'essayer des choses inédites. Et les mots qui me venaient à l'esprit, c'était vraiment le Venezuela et l'Argentine, deux lieux où les gouvernements ne se laissaient pas passer n'importe quoi par les banques et essayaient de subvenir aux besoins de leur population. Alors la nouvelle qui m'a frappé durement de ce côté-là, c'est la victoire de la droite dans les deux pays. Presque coup sur coup, là, en quelques mois seulement, là, parce que d'abord, il y a eu l'Argentine. Ça, c'est une élection qui a eu lieu. Il y a eu un premier tour le 9 août. Ensuite, un deuxième tour le 25 octobre dernier, en 2015, où est-ce que c'est un gouvernement de droite qui a passé. Leur président est maintenant Mauricio Macri, qui a gagné à 51,5%, c'est-à-dire de justesse. Au deuxième tour, c'est ça? C'est ça, au deuxième tour. Au Venezuela, c'est un peu plus récent, c'est le 6 décembre. C'est le Parlement, où est-ce qu'il a essayé de renouveler les sièges, et la droite a passé par une large majorité. Là, on parle d'environ les deux tiers des sièges qui sont du côté de la droite. Ça, c'est un peu plus surprenant, ça. Au Venezuela, on a connu l'époque Chavez, qui était très collé à ce qui se passait à Cuba et qui défendait Cuba, qui est un autre bel exemple il y a quelques décennies. Hein? C'est ça. Mais là, ouf! C'est ça. Moi, ça m'a pris par surprise. Mais bon, lorsque le pouvoir est tellement personnalisé, hein, on a comme une personne qui est le président, qui gère plein de dossiers, le rejet peut plus être dirigé vers cette personne-là, vers ses excès ou des aspects plus irritants de sa personnalité que vraiment le système comme tel. Alors, dans un cas comme dans l'autre, en Argentine comme au Venezuela, on dirait qu'il y a un rejet de la personne. Pas nécessairement des idées de gauche, mais de la personne. Alors, les idées de gauche devront être défendues par d'autres personnes dans les prochaines années. Il va falloir qu'ils reviennent et qu'ils travaillent beaucoup sur des solutions concrètes pour les gens. Oui. Donc, effectivement, c'est juste pour donner un peu l'appétit, là. Le grain de sable, comme vous savez, est toujours votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici et ailleurs. Là, on est en Amérique latine. Et en deuxième partie, on aura une capsule qu'on veut passer depuis plusieurs semaines. Mm-hmm. C'est une capsule avec David Murray, qui est en fait l'éditeur des éditions Éco-Société et qui nous présente les nouveautés d'il y a quelques mois, mais qui sont effectivement maintenant rendues en librairie. On aura ça en première demi-heure de l'émission, mais après que tu aies fait d'autres commentaires, parce que je veux mettre une petite musique pour me mettre dans l'ambiance. Oui. Ça fait longtemps que j'ai entendu l'amour oral des Locolocas, et ils ont une pièce que j'aime bien, anti-américanisme primaire, parce que il y a peut-être un lien à faire avec eux. Et en deuxième demi-heure, restez avec nous aussi, parce que on aura une capsule avec Jacques Bégelina de son deuxième opus qu'il avait fait il y a quelques années, au début des années 2000, La globalisation du monde, laisser faire ou faire, où il donne de bons exemples de l'importance de ces ententes de libre-échange-là dans ce monde si important à suivre. Et c'est d'ailleurs un autre opus aux éditions Éco-Société qu'on salue. Suggestion et d'indigence ou d'autres dans le sillon de Sion qui malgré leur apparence d'indépendance te doivent leur existence contre nature qui nourrit les frictions, ça dure depuis des siècles, y'a pas de solution, je te jure. Puis tu nous fais l'affront d'essayer d'être jugé parti, t'es pas mal mal parti. On peut pas être le maître du monde sans mépriser le monde. Tu sais les masters parce qu'à star ça gronde. On peut pas être le maître du monde et puis aimer le monde. On sent son nombril de l'ombre. Ça prend plus que plaster pour calmer la fronde. On peut pas être le maître du monde. Tu mettras ma tête dans plein de monde. J'ai choisi mon grand. Quand tu me le demandes, le grand. Entre le petit monde ou le roi, c'est pas toi mon choix. C'est quoi les mois? Tu t'attendais pas à t'attendre. C'était ça essentiel, l'essentiel de ton bord. Si tu veux faire l'enfer, la mort, tout est relatif ici bas. C'est ça qui va pas. Mais relax, du mal, y'en a partout, même surtout dans ton bout. Vois-t'en pas que la myopie des crises est des crises. Au fond, c'est ton fondamentalisme. Presbyte tes casse-couilles. Mais en moins hypocrite, pas plus on se débrouille. Ta fatuité de fatasse fait qu'il faut forcer forcément un peu plus pour faire fuir le minus qui se camoufle au très fond de toi. Tu fais peur au monde, mais fais gaffe à la France. Ça gronde, ça gronde. Et on peut pas être le maître du monde sans mépriser le monde. Tu sais que les masters, parce qu'à ça, ça gronde. On peut pas être le maître du monde et puis aimer le monde. On sent son nom. Une infraction et tac, un coup d'exact. D'autres coups tôt ou tard, les exactions vont pleuvoir. La mission est en fonction de ton calcium. Tu passes à l'action, même si rien à faire que de raser tous les arbres. Dans les pays, c'est que ils portent la barre. Faire sauter toutes les cavernes, c'est de l'impatience. Fiction du Jules Verne. Mais t'as raison, ça prendrait beaucoup trop de temps. Sans tension, sans temps de repentance. C'est des excuses honnêtes et nettes à la planète pour que se mette à t'apprécier. Tous les peuples que t'as tapé à la machine. Vous auriez la sympathie comme arme de persuasion massive. Tu m'as dit que j'avais le même discours qu'Oussama Ben Laden. Oussama fait Ben la peine. On peut pas être le maître du monde sans mépriser le monde. Tu sais que les masters parce qu'à ça ça gronde. On peut pas être le maître du monde et puis aimer le monde. On sent son nombril de l'ombre. On peut pas être le maître du monde sans pas chier le monde. Ça prend plus que plaster pour calmer la fronde. On peut pas être le maître du monde. On peut pas être le maître du monde sans mépriser le monde. Merci le colocasse de nous ramener au Venezuela. Oui, je vais parler du Venezuela parce que sur une chanson qui traite d'anti-américanisme, comment on peut pas faire une transition directement vers le Venezuela? C'est subliminal. C'est ça, s'il y a bien un gouvernement qui était la bête noire de Washington, ça devait être celui de feu Hugo Chavez. Hugo Chavez qui est décédé en 2013. Et il a été remplacé comme président du Venezuela par un associé qui s'appelle Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, au moment où on se parle, il est toujours président du Venezuela parce que c'est seulement le Parlement qui a été remplacé, où les députés de gauche ont été remplacés par des députés de droite. Alors le président Maduro, c'est sûr qu'il a beaucoup, il a mal pris la nouvelle du remplacement des députés par des députés de droite. Il se retrouve dans une position difficile, affaibli. mais il a tout de même accepté la décision démocratique du peuple. Il y a un grand respect de la démocratie parlementaire de leur côté. Ce qui est étonnant, c'est que les gagnants de cette élection-là, ben, je vais en parler brièvement, non? Il s'agit de la coalition Unité démocratique avec pour chef Jesús Torrealba. Excusez-moi si je roule pas mes R, mes cours d'espagnol remontent à on est à Québec, on peut parler avec un accent. Ouais. Alors, c'est un groupe qui semble très hétéroclite, assez étrange. Il y a au moins trois petits partis ou groupes communistes. Il y a des groupes de droite. Alors, on voit mal ce qui les unit, à part un rejet du chavisme, de la personnalité de Chavez ou de son remplaçant. On faut croire qu'avoir un ennemi facile à identifier, ça unit bien des forces qui pourraient pas se sentir autrement. Il faut croire. On l'a même vécu ici au Canada, là. Oui, la situation est assez similaire. Peut-être en image miroir qu'on est réfléchi. Bon, on a longtemps comparé l'Argentine au Canada. Tu sais qu'au début du siècle, on se demandait si le Canada ou l'Argentine allaient émerger plus l'un que l'autre. Et puis finalement, c'est le Canada qui a émergé à cause du régime militaire en Argentine. Mais ça, c'est une autre histoire. absolument. Et finalement, le gouvernement de Maduro est en difficulté, mais continue d'y aller avec leur politique. C'est ça qui est intéressant. Comme je disais, ils ont décidé qu'ils allaient continuer avec leur politique, mais qu'ils allaient quand même respecter tout à fait les élections, parce qu'il y a un grand respect, même du temps d'Hugo Chavez, pour les élections. Là. Moi, ce que j'ai noté, c'est que en 16 ans de chavisme, si on peut appeler ça comme ça, il y a eu 19 élections. Alors, on peut pas dire qu'ils n'étaient pas supportés par leur population. Là. C'est plus d'un plébiscite populaire par année. On n'est pas comme un gouvernement qui se fait élire et qui croit qu'il y a les coups des franges pendant 4 ans sans demander l'opinion de qui que ce soit. Et finalement, pour leur politique, c'est ça qui est très intéressant. Ils ont des politiques vraiment sociales. Ils ont construit de nombreux logements. Ce qui est intéressant avec Nicolas Maduro, c'est que lui, il avait dit qu'un million de nouveaux logements seraient construits pour leur population. Sinon, ils se raseraient la moustache d'ici la fin de l'année. Et l'objectif a été réussi. Le 30 décembre 2015, c'est très juste, on est vraiment à la toute fin de l'année, il a dit qu'il n'aurait plus besoin de rasoir parce qu'il a réussi à bâtir son million de logements. Ça a donné beaucoup d'emplois pour les travailleurs de la construction, pour ces populations. Et ils prévoient en faire 2 millions d'autres. Ils ont aussi passé plusieurs lois. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, il y a eu l'élection, les députés de droite vont arriver, mais en fait, ils n'allaient entrer au Parlement que le 5 janvier. Alors, le gouvernement de Maduro a essayé de poursuivre des politiques cohérente avec ce qu'il faisait avant, en passant rapidement des lois comme une loi des semences qui interdit les OGM et qui essaie de promouvoir une vision écologique de l'agriculture dans son pays. Évidemment, c'est un pays qui est connu pour son pétrole qui leur permettait, parce qu'il est très abondant, là. Le Venezuela a des plus grandes réserves que l'Arabie Saoudite, faut le souligner. Même si c'est du pétrole de mauvaise qualité, grosso modo, là. Ben, ça leur permettait d'offrir de l'essence très bon marché à leur population pendant très longtemps. Alors, tout ça, c'est des acquis sociaux. On peut s'inquiéter à ce qu'ils disparaissent si les forces de droite continuent d'avoir de l'influence. C'est ça qui serait bien dommage. Mais en fait, Nicolas Maduro, lui, a quand même eu une phrase intéressante qu'il fallait que je vous cite. Il a dit que sa mouvance de gauche, le chavisme, il l'a décrit en disant « Nous sommes les experts du recommencement. Si on a des échecs, on va recommencer, on va être capable de revenir. » C'est selon moi une nouvelle intéressante. Mais droite ou pas, je pense que la situation économique de ce pays-là est en difficulté. C'est un pays qui est surtout basé sur ses réserves de pétrole, mais bon, vous avez dû remarquer, le prix du pétrole baisse. Alors, si leur pétrole est de mauvaise qualité et qu'il coûte cher pour produire chaque nouveau baril, on parle de $50 par baril, eh bien là, si le prix du baril descend sans cesse, leur position est en difficulté. Surtout que toutes ces pays, quand je parle, tu sais, on a mentionné Cuba, là, mais d'autres régimes de gauche en Amérique latine, ils sont en gros subventionnés par le Venezuela qui leur offre du pétrole à très bas prix. Alors, si il y a un gouvernement de droite ou des difficultés économiques au Venezuela. Vous voyez comment ça peut affecter toute la région autour. Ça pourrait être des années difficiles. Il va falloir suivre le dossier de près. Oui, puis j'aimerais éventuellement, je pense qu'on en a parlé un petit peu dans la préparation de nos émissions futures, de parler du cas de l'Équateur, de la Bolivie et d'autres pays environnants où effectivement il se fait de l'exploration pétrolière, des gouvernements qui ont été élus avec l'aide de la gauche qui peu à peu se transforment vers la droite, comme tu le dis si bien, en Argentine et au Venezuela. Ah oui, l'appât du gain est toujours présent. Finalement, ces gouvernements de droite-là, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que comme j'ai dit, c'est des coalitions très, très floues, très hétéroclites. On dirait que tout ce qui les unit, c'est peut-être l'idée d'un rapprochement avec les États-Unis et un rejet des gouvernements antérieurs. Pour ce qui est de l'Argentine, je vais y aller très rapidement. Là, c'est une nouvelle élection présidentielle qui n'a pas poursuivi la lignée de ce qu'on peut appeler le couple Kirchner. Parce que d'abord, il y a eu le mari qui était président. Oui. Ensuite, ça a été son épouse quand lui est décédé en 2010. On parle de Cristina Kirchner et Nestor Kirchner qui était là précédemment. Ils espéraient que leur mouvance continue avec leur candidat de gauche, Daniel Scioli. Mais lui a été battu de très peu, une très faible marge. Il a été défait par Macri, dont je vous parlais plus tôt. Alors, c'est ça, il y a vraiment une division de la société argentine spectaculaire entre les classes plus d'affaires et les classes populaires. Les classes populaires ont presque une adulation pour la personnalité de Kirchner, tandis que les classes d'affaires voyaient en elle une très mauvaise présidente. Et encore une fois, on a un nouveau gouvernement de droite, dont ce n'est pas très clair qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le pouvoir, à part un rapprochement avec les États-Unis. Et on dirait avec Wall Street, qui l'Argentine est un cas intéressant pour ce qui est des fonds vautours. Là. C'est quoi ça, un fonds vautour? Ça, c'est des fonds d'investissement qui achètent de la dette de pays, mais ils savent que c'est des pays qui ont déjà été en faillite. Alors, ils sont comme des vautours qui fondent sur un cadavre. Ils disent « ça va nous coûter rien, tout le monde considère que c'est en faillite, on achète ça pour une bouchée de pain, et ensuite on va les martyriser et les harceler par des poursuites jusqu'à ce qu'ils nous rendent tout l'argent qui est possible. On va les extorquer finalement. » Alors, on a un groupe, un bel exemple de fonds vautours, NML Capital, alors que l'Argentine s'était entendue avec 92% des personnes qui avaient acheté de la dette argentine. Ils s'étaient attendus pour revoir à la baisse, avoir des plans réalistes. Eh bien, eux sont arrivés et ont essentiellement donné un coup de pied dans la table de négociation en disant « Non, nous, on veut tout, maintenant. » Ils se sont mis à utiliser tous les moyens judiciaires possibles pour harceler l'Argentine. Ils ont essayé de faire saisir un bateau argentin qui était au Ghana. Ils ont essayé de faire saisir l'avion présidentiel argentin. Ben voyons donc. Alors, on voit vraiment qu'un gouvernement souverain peut être moqué par l'avidité de Wall Street. La cupidité, probablement avec l'aide de ces ententes de libre-échange qui permettent à des transnationales de prendre le dessus sur les gouvernements dûment élus, peu importe la couleur, la gauche, la droite, sens. Mais on voit très bien cet exemple. Et d'ailleurs, l'ouvrage de Jacques Bégelina, la capsule qui va suivre, qui a été enregistrée il y a quelques semaines, mais c'est toujours d'actualité de parler de globalisation du monde, de laisser faire ou faire, et de nous faire expliquer par des experts comment ces ententes de libre-échange peuvent prendre le dessus des États dûment élus avec la cupidité, l'avidité de ces grandes transnationales qui n'ont peut-être pas toute la siège social à New York, à Wall Street, mais qui s'abreuvent de cette cupidité de vouloir spéculer sur l'argent des autres, en fait. Allons-y. All the girls that I love and I miss, David Murray, là, je m'adresse à l'éditeur aux éditions Éco-Société. Mm-hmm. D'ailleurs, si ça n'existait pas, Éco-Société, il faudrait le réinventer. Donc, je sais pas que... C'est vous qui le dites. Que sont les corps. Mais il y a un salon du livre à Montréal, et j'imagine qu'il y a des nouveautés qu'il ne faut pas manquer si on mm-hmm. va au kiosque et aux éditions Éco-Société. Bien sûr. Moi, je vois dans votre catalogue « Se préparer à l'effondrement, petit guide de résilience en temps de crise ». On est en temps de crise, là. Oui, effectivement, de certaine façon. On risque de l'être encore davantage dans les années qui viennent si on change pas de cap en tant que société. Donc, petit livre, en fait, qui est vraiment une réflexion d'un point de vue plus psychologique. Hein, quand on parle de la résilience, de se préparer en temps de crise, souvent, on présente ça de manière pratique. Bon, comment on va réussir à recultiver nos champs, réapprendre des savoirs ancestraux pour... donc pouvoir mieux affronter cette crise-là. Mais là, c'est véritablement d'un point de vue plus psychologique, hein, que, puisque veut pas, pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on n'est pas prêt à admettre qu'on puisse tourner le dos au monde qui est le nôtre, puis d'entrer dans un nouveau monde, une nouvelle façon de concevoir le monde en rapport aux autres, aux choses. Donc, vraiment, elle joue sur ce terrain-là, sur l'aspect là, donc très, très psychologisant, sans sombrer là, dans une espèce de psychopop. Là, faut, je veux déjà mettre en garde les auditeurs, auditrices, là, que ce n'est pas la teneur de ce livre-là. Là, on est très quand même groundé, si je pourrais me permettre. C'est Caroline Baker, qui est psychothérapeute de formation, qui a pratiqué ce métier pendant plusieurs années, qui est également professeur d'histoire et de psychologie, donc on est à un certain niveau, mais c'est des petits bouclettes, ça, c'est... Oui, c'est tout un petit livre, en fait, et le livre est construit à partir, en fait, de plusieurs interventions, là, c'était tiré de son blog, donc plusieurs petits textes qui ont été mis ensemble, et donc c'est une traduction qui nous vient des États-Unis, là, Karen Baker, elle est états-unienne, donc... 18 novembre, c'est une date importante, c'est la sortie de Décroissance, vocabulaire pour une nouvelle ère, mm-hmm. de Giacomo d'Alissa, Federico de Maria et Giorgio Scalis. C'est quoi, c'est une traduction, ça? Oui, ça aussi, c'est un ouvrage collectif, en fait. Donc, Giacomo Federico et Giorgio Scalis, là, c'est des trois universitaires qui sont basés à l'Université autonome de Barcelone et qui s'intéressent beaucoup à la question de la décroissance et donc qui ont rassemblé, ma foi, ils sont près d'une quarantaine, là, je pense, de collaborateurs collaboratrice à avoir participé à ce livre-là, et vraiment sous la forme d'une espèce de dictionnaire thématique, donc de décliner qu'est-ce que la décroissance à travers toute une série de thèmes et de concepts, donc qui vont de notions de convivialité, autonomie, soins, économie de la permanence, simplicité volontaire, simplicité, bien sûr, et être adressé, boire une bière aussi, bref, enfin, il y a plus d'une cinquantaine d'entrées dans ce livre-là, donc des petits textes là, de 4-5 pages tout au plus pour présenter ces concepts-là. Et dans l'idée, finalement, de construire un nouvel imaginaire aussi, d'une certaine façon, donc de fournir des mots, un vocabulaire pour le monde de demain qu'on veut mettre de l'avant, en fait, qu'on veut essayer de construire collectivement. Donc, un livre très intéressant et qui fait le point aussi pour quelqu'un qui s'intéresse aux questions de la croissance, mais qui n'est pas très, très familier avec ces questions-là. C'est une excellente porte d'entrée, en fait, je dirais. Puis la manière dont le livre est construit, donc sous matière de dictionnaire thématique, ben, on peut se promener d'une entrée à l'autre. Là. On n'est pas obligé de lire de manière linéaire, même, en fait, c'est plus intéressant de le lire en passant de concept à l'autre, selon les différents renvois, là, les textes se renvoient. Un peu comme les dictionnaires de Jacques Bégilina. Exactement, que vous le dictionnaire de la globalisation, oui, c'est dans le même genre d'esprit de bouquin, oui, tout à fait. Et en septembre dernier, la lutte non-violente pratique pour le 21e siècle, oui. Pardon, de Jane Sharp. Oui, Jane Sharp, qui est un théoricien donc de la lutte non-violente. Et par la non-violence, donc sans trait d'union, hein, c'est important de le mentionner, puisque lui, il opère une distinction entre, disons, la non-violence plus éthique ou de nature religieuse, hein, façon, là, et la non-violence comme pratique d'action politique, en fait. Et donc, le livre puise à la fois dans l'histoire pour montrer plusieurs exemples comment ça puisse opérer aux quatre coins du monde et comment, finalement, on peut mettre de l'avant des campagnes... Ben oui, si on fait référence à Henri David Thoreau, la désobéissance civile, bien sûr que si on le transporte, hein, what would Thoreau today, qu'est-ce que ferait Henri David Thoreau aujourd'hui? Ben, en fait, il y a l'exemple de la place Tiananmen au Conseil suprême letton, en passant par les témoins des Freedom Riders, le printemps de Prague, la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, ou encore la résistance anti-nazie des enseignants norvégiens. Mm-hmm. Donc, on lui donne des exemples de ce qui se passe dans le monde. Oui, dans l'histoire pour montrer comment ça a pu se manifester. Puis, en fait, je pense qu'un des éléments très intéressants retenus de ce livre-là, c'est au niveau de l'organisation, en fait. Il met beaucoup d'accent sur l'importance de préparer des campagnes de lutte, disons, peut-être à l'encontre d'une certaine vision un peu spontanéiste, qui a souvent cours dans les milieux, dans les mouvements sociaux où on simplement prendre la rue et par génération spontanée, les gens vont se soulever et vont renverser le gouvernement. Alors que non, lui démontre très bien qu'il faut savoir se préparer un peu comme des stratèges d'une armée, puisque l'ennemi devant nous, souvent, lui, il est très bien préparé. Il a des propres stratégies, donc c'est à nous de prendre le contre-pied et de développer nos propres stratégies. Donc, très intéressant, très stimulant à ce niveau-là sur le plan théorique. Bien sûr, vous avez tous les livres d'Alain Deneau, là, en rapport avec la justice fiscale, mm-hmm, les paradis fiscaux. Mm-hmm. Paradis fiscaux, l'affaire canadienne qui a été le dernier en liste, là, paru en 2014, qui dressait une espèce d'historique de la façon dont le Canada a été en fait partie prenante, là, littéralement, là, dans la constitution des paradis fiscaux des Caraïbes, entre autres choses, et qui a participé à développer ce modèle-là. Et un peu avec l'effet Frankenstein, finalement, le Canada est lui-même en train finalement de se faire contaminer et de devenir lui-même un paradis fiscal à sa façon. Que ce soit bon dans le secteur des mines, entre autres choses, mais aussi sur le point de vue de la fiscalité des entreprises, par exemple, quand on regarde le Canada au sein des pays de l'OCDE, c'est un des pays où la fiscalité des entreprises est la plus basse, la plus généreuse envers l'industrie. Et d'ailleurs, c'est un objectif du nouveau gouvernement libéral fédéral d'ici Noël de changer le régime fiscal. Est-ce que vous pensez qu'ils vont toucher sur les particuliers, hein, c'est pas sur les entreprises. Pensez-vous qu'on va en arriver sous ce nouveau gouvernement toucher? J'imagine on va encore nous sortir la notion d'angoisse fiscale des riches, là. Ah oui? Tout bien, ça, l'épouvantail va ressortir. Juste bon, enfin, attendons de voir. Ben, bien sûr, vous avez les fameux manuels de transition de la dépendance au pétrole à la résistance, mm-hmm, mm-hmm, local de Rob Hopkins, de tous ceux qui s'intéressent au mouvement transition. Mm-hmm. Vivre autrement, éco-village, communauté et cohabitat de Diane Leaf Christian. Oui, on a réédité ce livre-là qui était épuisé depuis un an, qu'on a refondu dans une nouvelle maquette. Jardin maraîcher, c'est la même chose. On a fait une nouvelle édition augmentée et enrichie du Jardin maraîcher, je pense qu'il est de plus en plus connu. Je pense que c'est un de nos grands best-sellers. C'est un livre qui est très populaire. Je pense que les gens ont cette soif-là d'agriculture, biologique, durable, tout ça, et Jean-Martin, dans son livre, lui donne beaucoup d'outils très généreux de sa personne pour montrer comment on peut pratiquer ce nouveau type d'agriculture-là. Et aux éditions Éco-Société, on ne néglige pas l'aspect santé. TDAH, pour en finir avec le dopage des enfants, et tous fous l'influence de l'industrie pharmaceutique et la psychiatrie. Est-ce que les éditions Éco-Société prennent un volet santé maintenant? Ben, il y a toujours eu cette perspective-là quand même. Déjà, à l'origine, Serge Mongeau, un des fondateurs de la maison, a beaucoup écrit sur les questions de santé. Hein, lui qui était, il devait être encore médecin à ce moment-là. Non, en fait, il n'a pas pratiqué très longtemps la médecine. On l'associe souvent à son statut de médecin, mais il n'a pas été très longtemps médecin en tant que pratiquant. Là. Mais oui, donc ça a toujours été une préoccupation qui est là. Et Jean-Claude Saint-Onge est quelqu'un qui... malgré qu'il soit philosophe, là, quand même, en tant que citoyen, a beaucoup gratté cette question-là depuis plusieurs années. Bon, il avait fait des ouvrages, l'envers de la pilule, là, sur l'influence des industries pharmaceutiques, hein, entre autres choses, dans le milieu de la santé. Et là, depuis deux livres, donc, s'est intéressé aux questions plus de santé mentale. Donc, tout ce fou qui était sur un portrait plus global sur la santé mentale et l'influence des pharmaceutiques dans ce domaine-là. Et là, sur le problème plus particulier du TDAH, un livre qui, bon, a un titre très provocant et qui a c'était beaucoup de réactions compréhensibles, en fait, puisque, bon, il faut savoir qu'au Québec, on est l'endroit d'Amérique du Nord, on prescrit le plus de psychotropes d'antidépresseurs pour les enfants, pour les questions de TDAH, diagnostiqué, mais aussi de comportement de manière plus générale. Et donc, lui voulait un peu questionner, en fait, les fondements derrière cette idée du TDAH. Pas loin de lui l'idée de nier qu'il puisse exister des problèmes de comportement chez les enfants, mais il essaie de démontrer que ça relève relèvent souvent davantage de causes sociales que de causes soi-disant biologiques, hein, parce que c'est un peu ça la thèse que certains essaient de mettre de l'avant, que ça serait dû à un dérèglement du cerveau et que bon, ben en stimulant ce cerveau-là, ces neurotransmetteurs, avec les, bon bref, avec des pilules, bon, on va rétablir l'équilibre et ça va, alors que dans les faits, parfois c'est simplement dû à des contraintes sociales, familiales, enfin il y aurait, mais bon, quand on voit le comment on coupe dans les écoles, puis on enlève des ressources. Écoutez, on n'est pas prêt d'adresser cette question-là de David manière. Laurie, j'en ai des frissons parce que dans la vraie vie, je suis éducateur dans une école primaire et j'ai effectivement avec moi des élèves TDAH et je suis tellement fier de lui. Là, Bruno, t'as écrit le nom de notre groupe au tableau hier et j'étais tellement fier. Et son père me dit que oui. Il commence à écrire à l'âge de 8-9 ans. Et c'est une grande réalisation. Je pense pas qu'il y ait eu besoin de médicaments, mais d'amour plutôt pour y arriver à nous le montrer. Merci beaucoup, David Murray, éditeur aux éditions Éco-Société. En terminant, avez-vous un petit ouvrage là, qu'on n'a pas encore entendu parler, qui s'en vient et qui serait un beau grain de sable dans notre société, dans notre engrenage? Oui, ben, ce qui s'en vient à l'hiver prochain, entre autres, il va y avoir un truc sur... il y a plusieurs trucs. Un truc sur Haïti, entre autres, qui en politique internationale, qui est très intéressant, mais aussi un truc sur les champs électromagnétiques, sur la question en fait de l'usage des téléphonies sans fil, tout ça. Un ouvrage très critique, mais très, très bien documenté d'un docteur aux États-Unis, chercheur sur ces questions-là, et qui, loin de lui, l'idée de dire rangeons tous nos gadgets, mais amène des arguments pour montrer qu'il y a à se préoccuper, en fait, de la manière dont on use ces technologies-là à l'heure actuelle. Ces ondes qui nous assaillent. Voilà. Merci beaucoup, David Murray. Ça fait plaisir. Écoutez, vous revenez quand vous voulez, hein, avec vos nouveautés, même vos vieux stocks comme la vie simplicitaire de Serge Mongeau et puis les objecteurs de croissance et tout. Merci beaucoup d'être là. Merci. Tous les lundis 18h30, l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fond au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Oui, c'est quasiment arrangé que le gars des vues, une publicité de librairie Pantoute après qu'on ait parlé des livres d'éco-société. Ouais. Vous pouvez toujours vous procurer, évidemment, les livres d'éco-société dans les salons du livre. D'ailleurs, j'ai déjà hâte au prochain salon du livre. J'ai hâte au printemps, finalement. Et c'était une entrevue qui avait été faite juste avant le salon du livre de Montréal, qui se déroule fin novembre, là, dans ce coin-là. Mm-hmm. Et effectivement, en écoutant ça, je me suis rappelé qu'un de mes livres de chevet que je traîne avec moi, d'ailleurs, je l'ai devant moi, Alain Deneau, Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle, aux éditions La Fabrique d'Éco-Société. Une petite plaquette là, d'une centaine de pages, mais qui donne tellement des détails intéressants. Alain Deneau, là, s'il n'existait pas, lui, il faudrait le réinventer avec tous ces scandales qui nous a sortis, dont Noir Canada à l'époque. Et puis, moi, ça m'avait permis de connaître ce que les minières canadiennes font en Afrique, mais pas seulement en Afrique, en Amérique latine aussi. Ouais. Il y a des exemples partout en Amérique latine. Je me souviens, quand j'ai été conférencier un moment donné en Bolivie, à La Paz, je me suis mis à parler, que je dénonçais les minières canadiennes parce qu'on avait, en mettant son siège social à Toronto, beaucoup de compagnies internationales préfèrent effectivement d'avoir leur siège social au Canada pour certains avantages fiscaux qui ont été donnés et surtout améliorés pendant le gouvernement Harper. Je ne sais pas ce que le gouvernement Trudeau va faire avec ça, mais ça serait un beau grain de sable. C'est le fun. On pourrait peut-être inviter le ministre de la région ici là, pour qu'on lui pose des questions. C'est un prof d'université. Il est sûrement capable de répondre à nos questions. Alors, on va laisser un peu de temps, puis au moins un premier budget, là, parce que un gouvernement, ça parle avec son budget. Donc, on attend le premier budget. Puis après ça, bon, on invitera peut-être un politicien pour venir nous parler de leur future politique, voir s'ils vont nous faire passer mieux, avec une meilleure réputation, avec ce nouveau Canada qui a été présenté à COP21 à Paris en décembre par le premier ministre Justin Trudeau. On verra bien ce que ça va. On est là pour surveiller, vous savez, avec nos antennes de partout dans le monde. Et d'ailleurs, une des lectures que j'aimerais vous suggérer, en plus d'Alain Deneau, c'est Maxime Combes, économiste d'Attaque France, dans son dernier bouquin « Désarmons les marchés pour résoudre la crise du climat ». Il nous parle beaucoup de la globalisation, qui est une nouvelle religion du monde, des affaires et des élites politiques, qui suscite évidemment des questionnements et des oppositions, surtout depuis Seattle, ces fameux grands sommets où on avait eu de grandes manifestations dont on entend encore parler aujourd'hui. Alors, on ne cesse d'intensifier justement ces critiques et ce livre de Maxime Combes arrive à point. Il vient tout juste d'être lancé pendant qu'on venait. D'ailleurs, s'il n'a pas pu venir à notre émission de radio du 12 décembre et du 5 décembre, alors qu'on l'attendait impatiemment, eh bien, c'est parce qu'il était très occupé avec des entrevues. D'ailleurs, une de ces entrevues que j'ai reçue grâce à bastamag.net. Je vous suggère de non seulement suivre l'activité internationale par reporter.net d'Hervé Kempf, mais aussi Bastamag, qui est associé à TAC France dans beaucoup de diffusions de médias alternatives ou alternatifs, c'est selon... puisque dans le fond, média, c'est un mot latin, on pourrait le mettre à toi masculin ou féminin, là, mais on l'a plutôt masculinisé. Pluriel latin, ça, c'est difficile à accorder. Ouais. Un média, d'ailleurs, pas de S. Ouais. Un médium... Deux médias, deux médias. En tout cas, on est possible de faire des cours de phonétique, mais en tout cas, ce livre de Maxime Combes, je vous le suggère vraiment, d'ailleurs, il n'est pas édité par Éco-Société, mais c'est le genre de livre qu'Éco-Société pourrait nous ramener ici s'il n'est pas disponible facilement. En tout cas, d'ici le salon du Livre de Québec, je vais demander aux gens d'Éco-Société de nous amener des livres de Maxime Combes d'Attaque France qu'on aime beaucoup, qu'on a eu la chance de rencontrer, et qui, lui, dans son livre d'entrée de jeu, cet auteur établit une nette distinction entre la mondialisation, phénomène d'expansion planétaire normalement bénéfique, et la globalisation, qu'il définit comme la gouverne du monde par de puissants intérêts économiques transnationaux et supra-étatiques. Il décrit ce système, ses dirigeants, ses commis, ses idéologues, et dénonce ses effets les plus pervers, dont la gradation de l'environnement, la montée des inégalités et le pourrissement de ce qu'on pourrait appeler le pourrissement de la démocratie, en fait. Et on en a de bons exemples en Argentine. Ah oui. Et au Venezuela, dont Étienne Blondeau a parlé. Donc, au-delà de cet affligeant bilan, l'auteur explore les contours d'un modèle alternatif qui se profile au sein même du présent système. Commentaire, Étienne Blondeau, avant qu'on entende une capsule de notre chroniqueur invité, Jacques B. Gélina. Ah ben, disons que la globalisation, c'est le cœur du problème. Hein? Moi, si je résume en une phrase les traités de soi-disant de libre-échange, j'ai souvent signé l'arrêt de mort de sa souveraineté, hein, que de les signer. En une phrase, c'est ça. C'est la meilleure chose que j'ai jamais pu entendre pour entendre Jacques B. Gélina sur la globalisation du monde, laisser faire ou faire aux éditions Éco-Société. La globalisation du monde aux éditions Éco-Société. Ça, c'est un livre. La globalisation du monde aux éditions Éco-Société. Ça, c'est un livre, Monsieur Jacques Gélina, que j'ai lu et relu. Ça fait longtemps que ce livre-là est comme laisser faire ou faire. Justement, j'ai voulu. Dans ce livre-là, faire le tour, ça me préoccupait. C'est quoi la globalisation? On en parlait depuis les années 80. Alors, on disait que c'était une chose extraordinaire. Donc, on parlait de globalisation, mondialisation surtout. Alors, j'ai voulu voir qu'est-ce que c'était, quelles étaient toutes les ramifications de ce nouveau système qui aujourd'hui domine le monde. Et le nom et la chose sont une nouveauté à l'époque des années 80, à la globalisation du monde. Oui. On essaie depuis toujours, mais surtout depuis les années 80, d'expliquer quelle est la différence entre mondialisation et globalisation. Et vous, vous en avez une définition? Bien oui, parce que malheureusement, c'est-à-dire qu'en français, on a confondu mondialisation et globalisation sous le prétexte que globalisation, c'était un anglicisme. Pas un anglicisme du tout. C'est un nouveau mot pour nommer une nouvelle réalité. Par exemple, quand il arrive une nouvelle réalité comme le numérique, cyberespace, est-ce que c'est un anglicisme? Ça vient du mot anglais, cyberspace. Mais c'est pas un anglicisme, c'est une nouvelle réalité que, évidemment, comme la globalisation a commencé dans le monde anglo-saxon, donc ce sont les anglo-saxons qui lui ont donné un nom, qui ont appelé ça la globalisation. Globalisation n'existait pas non plus dans le vocabulaire anglais avant. Ça n'existait pas, le mot. Le mot a été créé, est arrivé pour la première fois dans les revues scientifiques en 1983. Il n'existait pas auparavant. Les Anglais avaient il n'y avait pas le mot mondialisation comme en français. On est chanceux d'avoir deux mots pour désigner deux réalités différentes, mais connexes. Alors, en anglais, on disait internationalism, worldwide. C'est ça qu'on employait. Le mot n'existait pas. Même que Galbraith, le grand Galbraith, John Kenneth Galbraith, qui était conseiller pour le nouveau dictionnaire, je me souviens plus. L'Oxford. Je pense que oui. Il n'a pas voulu mettre ce mot. Il disait que c'était un mot laid. Ugly world. Il ne voulait pas, c'était pas beau. Mais c'est la réalité qui n'était pas bonne. Si le mot vous scandalise, comme disait Victor Hugo, que serait-ce de la chose? Vous savez, à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, où j'ai complété ma maîtrise en management international, donc j'ai eu tous les cours qu'on peut s'imaginer en internationalisation, en mondialisation, en globalisation. Et je me souviens d'avoir eu des échanges où on essayait quand même de faire une différence facile disant... On parle de mondialisation des échanges. Ouais. Il y a un côté entre individus. Hein. Alors qu'on parle de globalisation du commerce, donc un côté business. En anglais, on peut pas faire ce genre de différence. Ouais. Alors vous, êtes-vous d'accord avec le fait que mondialisation, c'est pour les échanges, alors que globalisation, c'est un petit côté commercial, business, politico? Ben, commercial, c'est des échanges aussi. Moi, je dirais que la globalisation, c'est un phénomène ancien. Disons 5 siècles, avec la découverte de l'Amérique, qui a désenclavé un immense continent qui est l'Amérique. Donc, la mondialisation, qu'on pourrait définir comme les échanges, la planétarisation des échanges et des communications. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, par les voies maritimes, ensuite par la voie des airs, par les avions, et aujourd'hui par le numérique. Donc, ça, c'est la mondialisation, qui a une connexion avec la globalisation. C'est plutôt l'enfermement dans le marché de toutes les activités humaines, y compris de la vie. Donc, c'est global dans les deux sens du mot. Dans le sens de total, comme on dit, le revenu global, et dans le sens de planétaire. Alors, donc, la globalisation, c'est un nouveau système économique mu par le néolibéralisme, par une idéologie, qui tente à englober dans la sphère marchande toutes les activités humaines, y compris la vie humaine, y compris les gènes humains, et sur toute la planète. Il y a de plus en plus de médecins, d'ailleurs, qui parlent de santé globale, par exemple. C'est ça, c'est ça. Donc, on pourrait l'appeler, pour les humains, un système globalitaire, en référence avec le totalitarisme, avec un système totalitaire. Mais l'écologie, Elle est révélatrice de vices cachés de la globalisation, vous dites dans votre ouvrage. Cette crise écologique qui secoue la planète et fait frémir l'humanité entière apparaît comme un puissant révélateur. Ouais. Elle met à jour les limites de la globalisation et les vices de l'édifice idéologique de l'ultralibéralisme. Exactement. Parce qu'il y a trois consignes qui dominent dans ce nouveau système néolibéral et un nouveau système économique qu'on appelle la globalisation. Premièrement, la déréglementation, c'est-à-dire que l'État fasse le moins de lois, de règlements possibles, surtout dans le domaine de l'environnement et des droits sociaux. Donc, la main invisible du marché ne protège pas l'environnement. Elle protège les profits des grandes compagnies multinationales. Donc, la cupidité. C'est ça. La deuxième consigne, c'est la privatisation. C'est-à-dire que les compagnies privées, surtout les grosses compagnies, les multinationales, soient en charge de tout le système économique qui aujourd'hui, avec l'État social, avec le keynésianisme de l'après-guerre, beaucoup de systèmes, comme l'éducation, par exemple, la santé, étaient devenus du domaine public. C'était des biens publics et des entreprises publiques. Donc, la globalisation tend à privatiser tous les services publics et privés. Et une troisième consigne, la première, c'est la déréglementation, non ou non réglementation. La deuxième, c'est celle que je viens de dire. La quatrième, c'est l'ouverture des frontières. Donc, tous ces trois consignes-là tendent à enlever du pouvoir à l'État pour en donner plus aux grands intérêts économiques. Quel est le plus grand défi de cette situation, de la mondialisation et de la globalisation? Le plus grand défi, c'est la réappropriation par les collectivités de leur propre vie, du contrôle de leur propre vie. C'est ça, la réappropriation, peu à peu. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux qui tendent à se réapproprier le contrôle de leur propre vie. Par exemple, pour les immenses pipelines que l'on veut faire passer à travers le Québec, tout ça pour le bénéfice donc des grandes compagnies multinationales. Donc, il y a des nombreux mouvements qui se sont formés pour protéger notre environnement. Dans le déversement actuellement qu'on voit que la ville de Montréal veut faire dans le Saint-Laurent, des eaux polluées, des eaux usées, alors il y a de nombreuses organisations, comme par exemple Fondation Rivière, qui s'opposent à ça. Il faut protéger notre bien public, qui est le fleuve Saint-Laurent, qui sont nos eaux. Donc le défi est vers l'écologie. Le défi, c'est l'écologie et une économie fondée sur la coopération et non pas sur la compétition. Merci Jacques Gélinas. Donc, beaucoup de détails qu'on peut retrouver dans l'ouvrage « La globalisation du monde, laisser faire ou faire » de Jacques B. Gélinas. Merci. Parfait. Je rappelle que Jacques B. Gélinas était aussi celui qui a fait la capsule la semaine dernière sur l'ouvrage « Et si le tiers-monde s'autofinançait », également publié aux éditions Éco-Société, alors que cette fois, l'auteur élargit le champ de ses préoccupations, mais dans la même perspective d'une réappropriation des processus socio-économiques par la société civile, un livre d'information et d'analyse, mais aussi de débat. de combat et d'espoir, comme on peut faire ici à Grain de Sable. Vous avez des opinions, on peut toujours aller sur notre blog Grain de Sable ou nous appeler finalement. Un livre donc d'information et d'analyse, mais de débat, qui s'adresse à ceux et celles qui sont préoccupés par le sort de l'humanité et de la planète. Il est particulièrement utile aux jeunes désireux de comprendre ce monde dans lequel nous vivons pour le changer. Et juste un extrait à page 204, moi c'est le bout que j'ai le plus aimé de ce livre-là sur la mondialisation, parce que il nous rappelle que si les maîtres du village globalisé et leurs économistes sont capables d'oublier qu'il existe une relation vitale entre l'économie et les écosystèmes terrestres, eh bien la planète, elle, ne l'oublie pas. Elle montre son épuisement et ses blessures. Il nous rappelle que par ses ruades catastrophiques, la trop grande efficacité de l'économie globalisante pour les écosystèmes, évidemment, a créé des problèmes. Par ses excès, surexploitation, surpollution, surconsommation, la globalisation inflige à notre habitat terrestre de multiples traumatismes. Et il y en énumère 10. Je vais juste les énumérer. Et je vais te demander ton opinion s'il en manque là-dessus, Étienne. Le réchauffement de la planète, et ça, on va s'éviter tout le débat de la COP21, on en a longuement parlé ici. La perforation de la couche d'ozone, ça qui avait été réglé en partie avec l'entente de Montréal, et on salue ici Stéphane Dion, qu'on peut aimer ou pas aimer, mais sans Stéphane Dion, on serait peut-être encore aux prises avec des problèmes de couche d'ozone. En tout cas, là, on semble avoir réduit l'impact avec le protocole de Montréal en 1987, alors qu'il était ministre de l'Environnement. Les pollutions de toutes sortes, évidemment, on ne nommera pas toutes ces pollutions dues à l'automobile, et je salue tous les auditeurs qui passent devant nous. Envoyez-nous la main si vous êtes à l'antenne, et d'ailleurs, vous êtes chanceux parce que la semaine dernière, ceux qui ont voulu nous écouter à 1h30, ça a coupé, on a eu un petit problème d'antenne, mais si vous voulez écouter le reste de l'émission, vous pouvez aller sur le site web ou sur notre blog, et donc la version, si on pourrait dire, Internet disponible en téléchargement, en podcast, n'a pas été coupé. Donc, effectivement, je vous suggère d'aller écouter cette émission de Grain de Sable la semaine dernière, où on avait une capsule avec Jacques Bégélina, d'ailleurs, et des entrevues très, très intéressantes avec Dominique Bernier, qui commentait, évidemment. Alors, et puis moi, j'ai eu la chance à l'émission Le 8e continent, j'ai eu la chance d'interviewer M. Blondeau, qui a réparé l'erreur et qui était, en fait, qui n'était pas de notre faute. Là. C'est pas de la faute à personne. C'est des choses qui arrivent quand on est dans les ondes hertziennes. Et dites-vous que la qualité de ces ondes par les ondes de fréquence modulée, FM, en direct, le son est toujours meilleur que si vous l'écoutez en bande passante, ouais, que ce soit en téléchargement ou sur le câble. Je sais que CIBL est sur le câble, mais le son est beaucoup moins bon. C'est quasiment du mono par rapport à nous. Ça peut être quasiment quadrophonique. Il y a aussi, n'oublions pas, comme quatrième traumatisme qu'on inflige à notre planète, c'est la contamination et la surexploitation des océans. La raréfaction de l'eau douce, peut-être moins ici, parce que un bon pourcentage des ressources en eau douce de la planète se retrouve ici, mais il y a quand même, vous savez, même le maire Régis Labeaume se préoccupe de la qualité de notre eau et regarde nos bassins versants, et félicitations, il faut s'en occuper de notre eau, monsieur le maire. En sixièmement, la dégradation des sols. Et ça, je vous éviterai toutes les fois qu'on a fait référence aux amis de la Terre, que je salue encore une fois. Et Céline, devrait voir son... Céline Caron, qui est décédée il y a quelques semaines et qui a été commémorée la semaine dernière. On en a fait aussi référence à notre émission en première demi-heure. Eh bien, Céline, son ouvrage posthume doit sortir prochainement sur les sols vivants. On s'en reparlera. De l'importance... de s'occuper de la dégradation des sols, de la déforestation. Alors ça aussi, on en parlait à l'émission la semaine dernière, Red Plus. Le bout de l'émission, vous avez manqué en direct, bien, vous pouvez l'écouter. Une entrevue avec Monique Jean-Marc qui nous parle de ces programmes de déforestation qui peuvent être positifs pour certains, mais aussi très négatifs quand on les lit au marché du carbone, dans les marchés du carbone en dehors de celui du Québec, qui a avec la Californie et l'Ontario prochainement, eh bien, heureusement, on n'inclut pas la possibilité de polluer dans le nord et de faire l'accaparement des terres dans le sud, mais dès que le Mexique sera membre, c'est ça qu'on explique en deuxième partie d'émission la semaine passée à Grain de Sable, samedi dernier, qu'il y a un danger là. Et j'ai eu la chance d'ici là de rencontrer les gens du ministère des Relations internationales qui représentaient le Québec avec le premier ministre à la COP21. Puis effectivement, Il semble pas vouloir inclure ce qu'on appelle dans le jargon le Red Plus, autrement dit, des programmes qui aident, des programmes des Nations Unies même, supportés par les Nations Unies, qui aident des grandes multinationales qui veulent faire de la plantation d'arbres dans le Sud et qui ont souvent des impacts très négatifs. On présente ça sous la forme de déforestation. On aide à planter des arbres. On empêche le recul de la forêt, mais non. On y plante des eucalyptus pour mieux exporter. On y plante des palmiers pour faire de l'huile de palme, pour fournir Nutella en Belgique. Non, non, non. Il y a des populations locales qui utilisent leurs terres et quand on leur enlève pour des raisons de compenser les pollueurs du Nord, ça n'a pas toujours des impacts positifs. Donc oui, la déforestation, M. Gillenot, est un des ces 10 problèmes de tragédie du bien communo, un de ces traumatismes qu'on inflige à la planète. Neuvièmement, la mainmise des compagnies transnationales sur le patrimoine génétique. Évidemment, faut pas oublier de parler de cette biodiversité dont on change à tous les jours quand on fait de la culture mono-industrielle. Et un dixième, la domination du cyberespace par des intérêts commerciaux. On n'a même pas besoin de nommer de nom, vous êtes au courant. Et ça, on va laisser ça aux geeks contre-attaque de parler de comment ces grandes transnationales peuvent être nuisibles. Et toi, est-ce que tu as des recommandations, Étienne? Ben, je vais peut-être résumer en quelques mots, là. Puis, vu qu'on a parlé de la globalisation, on a posé le problème. On a posé le problème central, et quand je parle qu'il faut regarder l'Amérique latine, c'est parce qu'elle, elle se confronte à ce problème-là. La globalisation, il y en a qui le déplorent, il y en a qui l'applaudissent, il y en a surtout qui décident qu'ils vont la combattre. Et c'est ça qu'on voit lorsqu'on regarde les exemples dont je vous ai parlé en Amérique latine. On n'accepte pas que les investisseurs se sentent chez eux où que ce soit. Et ou encore, bon, t'as parlé des problèmes écologiques. Ben, on a l'exemple du Venezuela dans son interdiction des OGM. C'est un refus de se laisser faire. C'est ça qui est très intéressant avec l'Amérique latine. Espérons que ça va pas trop changer dans les prochaines années. Ça va être à surveiller en tout cas. Oui, surveillons ça. Et écoute-moi, ce que je peux dire, c'est que n'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter Le Grain de Sable en allant sur le site de CKRL.qc.ca à l'onglet Programmation. Vous allez voir le samedi en après-midi, vous cliquez sur la plage horaire de la programmation de Grain de Sable et là, oui, vous allez pouvoir écouter l'émission de la semaine dernière au complet. Ainsi que d'autres émissions qu'on a fait avant. Mais les émissions qui apparaissent aux environs de Noël et du jour de l'an ne sont pas des émissions Grain de Sable, mais c'était que de la musique suggérée. Donc, on se laisse avec Obama, tiens. We know the battle ahead will be long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. J'ai fait le rêve que le peuple s'élèvera dans mon rêve. Cette fille s'élèvera dans mon rêve. Oui, le fils s'élèvera main dans la main. La mère s'élèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces. Ouais, de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, oh Star god. Wars, Square Enix, Final Fantasy. Dans la série qui. Des musiciens, chanteurs, poètes, slameurs, conteurs, humoristes, ou tu pratiques un art de la scène hybride et t'as envie de te faire connaître? Participe au concours Montre tes talents au sacrilège. Dès le 3 février, 15 participants performeront semaine après semaine les mercredis dans l'émission Jamais comme tout le monde. à gagner. Une bourse de 500 $, une campagne publicitaire d'une valeur de 1000 $ sur les ondes de CKRL et un spectacle avec cachet dans le cadre des Jeudis chauds au Sacrilège. Inscription et détails sur ckrl.qc.ca. Date limite, 25 janvier. Ce concours est rendu possible grâce à CKRL, le bar Le Sacrilège et Boréal. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. This is Dave Crow, and I'm Andy Balcon, and we're Hey Moonshaker. Yeah. Spécial du jour au Buffet de l'Antiquaire, le duo Hey Moonshaker. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote réunit sous un même toit des professionnels de plusieurs disciplines désireux de mettre à profit leur expertise. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts ou écoutez l'émission Entraîne ta fibre animée par François Bégin et Jessica Schooner les mardis 9h sur CKRL. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite. Quoi de plus réconfortant en cette période de l'année qu'une bonne fondue à partager en tête-à-tête, entre amis ou en famille? Avec son décor authentique de chalet de montagne, le restaurant La Tyrolienne vous accueille dans une ambiance chaleureuse et vous propose un choix incomparable de 15 variétés de fondues. Profitez notamment de nos offres spéciales telles que nos trios de fondue à $69.95 pour deux personnes. Depuis 42 ans, La Tyrolienne, une destination conviviale située juste à l'arrière du complexe Jules Dallaire. Réservez au 651-6905 et consultez restauranttyrolienne.ca.